Les vies parallèles de Plutarque ne cessent pas de fasciner les lecteurs, surtout ceux d'Alexandre le Grand, de Jules César, de Cicéron et d'Démosthène. Plutarque, s'il vivait encore aujourd'hui et s'il écrivait encore des vies parallèles, et entre ceux des monarques, des grandes dynasties européennes, des Bourbons et des Habsbourg, aurait probablement réuni dans un seul volume les vies de Charles Quint et de Louis XIV. Ces deux monarques restent les plus fameux membres de leurs dynasties respectives. Ce sont eux qui, avec le plus d'éclat, mettent en profit les grands dilemmes qui font partie de leurs héritages et qui sont les grands défis politiques de cette époque. Pour Charles Quint, l'idéal d'un universalisme idéologique catholique dans la forme d'une monarchie universelle qui se voudrait être, en théorie, bien sûr, garant de paix, donc une structure supranationale. Or, la diversité des États européens, des États dans l'Empire, et surtout la nouvelle diversité confessionnelle font monter le conflit et font que ce grand empereur meurt épuisé, échoué et abdiqué. L'idée de se faire le plus puissant monarque de l'Europe, voire de reforger la France comme État fort et centralisé, séduit Louis XIV et le mène dans une carrière, elle aussi, pleine d'éclat. Exploits de guerre, stimulation d'une culture brillante et rayonnante jusqu'à nos jours, le renommée la gloire. Louis XIV, lui, il n'abdique pas et il remporte d'importants territoires et même la couronne d'Espagne pour sa famille. Mais lui aussi, il laisse son pays en pitre état. L'expulsion des calvinistes ne mène pas à la pacification religieuse. Le jansénisme persécuté par le roi est adopté par l'opposition qui semble à la première vue seulement domptée par la robe. La suite des guerres imposées les impôts dont souffre terriblement le petit peuple et dont les financiers de l'État se bâtissent dans le royaume même de Louis le Grand, l'Empire, l'argent, le pouvoir, les privilèges. Le bilan de Louis XIV n'est pas positif non plus. Il dit « j'ai trop aimé la guerre ». Or, dans cette communication inspirée par les vies parallèles de Plutarque, je vous invite à porter votre attention à deux monarques des maisons de Bourbon et d'Habsbourg, à Louis XIII et à Ferdinand III. La raison en est une convergence multiple. Leur règne marque un des grands points tournants de la genèse de l'État moderne. Tous les deux achèvent la dépolitisation de la diversité confessionnelle qui avait pris la forme de luttes politico-religieuses et qui avait, dans cette forme, ravagé leur pays. Les guerres de religion dans la France du XVIe siècle et des années 1620, les guerres de religion dans l'Empire pendant presque les mêmes périodes, y compris la guerre de 30 ans. C'est aussi sur leur règne que l'État moderne l'emporte sur le contre-pouvoir, bien entendu, sauf ceux de la finance. Louis XIII fait raser le château fort de la noblesse et il intensifie le fardeau fiscal. Ferdinand III casse le monopole d'accès administratif au sujet qu'avait intensifié la seigneurie en utilisant la réforme, lui, tout en utilisant la contre-réforme. L'absolutisme, même si ce terme ne reste dans le discours scientifique qu'une sorte de métaphore, est bien mis en avance. Ce qui me semble important aussi, les deux monarques entrent en guerre l'un contre l'autre dans une guerre européenne qui marque la fin définitive des restes de la solidarité de l'ancienne chrétienté, catholicité. Louis XIII, allié des Suèdes, des calvinistes, même de la Hesse. Ferdinand III, allié des Saxons, garant de liberté confessionnelle individuelle, même calviniste en Hongrie. Ce qui me semble étrange et ce qui m'intrigue, c'est que ces deux ennemis de guerre vivent comme s'ils étaient des jumeaux, des amis intimes. Ces deux post-confessionnalistes sont tous les deux d'une pitié authentique et exemplaire. Ces deux protagonistes de l'État moderne se croient être conservateurs. Ces deux chefs de guerre, en parcourant les champs de bataille, ne cessent d'en être émus et fatigués. Ils ne cessent pas de souffrir de leur métier de roi. Ils sont tous les deux presque toujours malades, presque toujours mélancoliques. Maintenant, je vais exposer ces vies parallèles à la Plutarque en deux points, personnalité et système politique. Alors, la personnalité de Louis XIII et Ferdinand III. En premier, Ferdinand III n'est pas né héritier du trône. Il est issu d'une branche collatérale des Habsbourg, avant laquelle, en 1808, il y a encore toute une série de prétendants mieux positionnés pour l'avènement à la couronne. De plus, Ferdinand III a un frère aîné qui ne meurt qu'en 1818. Pour cela, l'éducation de Ferdinand III est celle d'un cadet de famille. Il n'est pas préparé à la succession dès le début, il est préparé à remplir une fonction de gouverneur de province, mais dépendant de la souveraineté de son frère aîné. Sa mère meurt quand il a seulement 6 ans, et son père est, pour des raisons politiques, dès qu'il a 4 ans, presque toujours absent de Graz, lieu de naissance et d'enfance. L'éducation du jeune prince est confiée à un chevalier de l'ordre de Jérusalem, homme solide, vertueux, loin des intrigues de la cour, incorporation de l'idée de chevalier chrétien. Ce baron gagne la confiance du jeune homme et la garde jusqu'à la mort dans ces années 1630. Grande stabilité, au moins de ce côté-là. De plus, le cérémonial à Graz est très strict, très régulier, très formaliste. Il garantissait une distance entre les princes et leurs entourages, même si les princes n'étaient presque jamais seuls. Après la succession de sa branche dynastique, Ferdinand III vit à Vienne. Son père le fait participer au conseil, lui fait apprendre à petits pas le métier de roi et partage avec lui son loisir de chasse. Sa position est incontestée, autant plus que son frère cadet est relégué dans une ville de Provence après une aventure amoureuse mais prématurée. Il sait déjà parler le latin et l'italien et il apprend maintenant parfaitement l'espagnol et un peu de tchèque et de hongrois. Il fait des études de jurisprudence, histoire, physique selon Aristote, de la théorie du gouvernement. Mais ce qu'il apprend là, ce n'est pas à la hauteur du XVIIe siècle, mais encore le programme thomiste du XIVe siècle. Ferdinand III grandit dans des châteaux plutôt gothiques, Renaissance. Ses idées sont formées d'un mélange médiéval et de jésuites de la contre-réforme. Louis XIII est né héritier, mais lui, il souffre terriblement de la présence de ses demi-frères, surtout de César de Vendôme, qui est même son aîné. Sa mère reste en vie, mais tout en lui préférant le cadet Gaston, elle n'est guère présente comme son père. Donc, dans la vie quotidienne, le petit Louis salue les portraits de ses parents. Son père, lui, assassiné, meurt en laissant l'enfant roi. Comme son statut familial, son éducation est moins bien assurée. Un de ses précepteurs se fait une renommée de libertin. Les études scientifiques semblent être moins assurées, mais plus proches, plus militaires, des problèmes pratiques de son futur règne. Ferdinand III s'échange avec des savants et expérimente avec des aimants et des substances chimiques. Par contre, le jeune Louis XIII fait très tôt ses expériences pratiques avec la dure réalité du pouvoir, de la régence, du conseil, des ministres, des intrigues de la cour. Sa prise de pouvoir se lie à la suite des événements de l'affaire Concini avec la violence qui reste pour le jeune Ferdinand III une chose plutôt abstraite. La prise de pouvoir de Louis XIII se fait avec l'assassinat de Concini au Louvre. La prise de pouvoir de Ferdinand III ne se fait qu'avec la mort de son père en 1637. Ainsi, Louis XIII a plus de 20 ans d'avance. Tous les deux, bien sûr, seront mariés. Ni l'un ni l'autre peuvent choisir dans cette affaire d'État. Pour Louis XIII, c'est le cauchemar. Le couple s'entend mal dès le début, un peu mieux dans les années 20. Plus tard, c'est la crise permanente suite à la position pro-espagnole de son épouse Anne d'Autriche. Le dauphin ne vit le jour qu'après Richelieu et d'autres insistent que le roi fasse enfin son devoir dynastique. Du reste, on garde ses distances. Quand même, il n'y a ni maîtresse ni d'autres escapades. Même constat pour Ferdinand III. On en a noté qu'il n'était même pas une seule fois enivré. Pour lui, le mariage, c'est d'abord le miel et le cauchemar après. Il est marié avec une sœur de l'épouse de Louis XIII, l'Infanta Mariana. Elle le pousse et elle le tient dans une politique pro-espagnole, fatale pour l'Empire et pour ses propres territoires, et à laquelle il ne renoncera pas qu'après la mort de sa femme en couche en 1646. Ils ont 6 enfants, dont 3 meurent très jeunes. La deuxième épouse meurt dans ses premières couches, une tragédie aussi pour l'époux. S'ayant remarié, encore une fois, sur l'insistance de la cour, il voit mourir encore une fille accouchée par sa troisième femme, et encore, il voit mourir son fils aîné, fils brillant, fils déjà roi d'Hongrie et de la Bohême, que quelques semaines après son couronnement en roi des Romains. C'est la désespérance. Ferdinand ne survit que 3 ans et meurt après avoir fait tout ce qui lui était possible pour garantir la succession de son deuxième fils, le futur Léopold Ier. J'ai déjà fait mention des maladies qui règnent sur ces monarques et qui sont constamment en déplacement. Le morbus Crohn, probablement pénible, mal honteux, qui soumet non seulement le corps de Louis XIII, mais aussi produit aussi des colères difficiles à vivre pour lui et pour son entourage. Pour Ferdinand III, ce sont les yeux qui poussent des problèmes, mais surtout la goutte qui le rend immobile, ce qui favorise une adiposité qui empire la goutte, un cercle vicieux. Tous les deux souffrent d'attaques de mélancolie, de dépression. Dans les aléas de la guerre, Ferdinand écrit à son frère que régulièrement, les soucis lui prennent le sommeil et le font vomir. Les récréations, c'est la chasse pour tous les deux, aussi souvent que possible. Tous les deux aiment beaucoup la chasse à cheval et la chasse avec des oiseaux de proie. Je suppose que c'est la voie pour s'éloigner d'une cour qui permettait un accès trop facile au roi Louis XIII, que c'était pour Ferdinand III la voie de s'éloigner d'une cour qui ne laissait rien au spontané. Un des moments forts dans la vie de Ferdinand III était quand, une fois, il rentrait pas de la chasse dans la soirée, grande exception, mais logé avec son fils chez un paysan. Pour Louis XIII, c'était plus fréquent, sans être moins apprécié. Tous les deux aiment les petits châteaux de chasse, ce qui donne lieu au lieu auquel nous sommes ici présents. Deuxième récréation, c'est la musique. Tous les deux l'adorent et reçoivent une éducation musicale. De musique profane et instrumentale, ainsi que le ballet, musique sacrée et vocale. C'est exceptionnel. Ils sont les premiers de leur dynastie à s'y mettre et tous les deux vivent dans une culture de chant quotidien. Vive Turlututu du jeune Louis XIII et Fallalalalala du jeune Ferdinand III ont trouvé leur chemin dans les fonds des archives. Troisième ressource pour eux, c'est leur pitié, spécifiquement Marianne. On peut se demander si cela pourrait être un reflet que les deux étaient privés d'une relation stabile, voire chaleureuse, avec leur mère. Tous les deux sont formés par le catholicisme de la contre-réforme. Ils évitent l'adultère, ce qui ne va pas de soi à la cour. Ils soutiennent de nouveaux monastères, ils assistent aux offices, ils s'engagent en divers vœux, en divers pèlerinages, et ils meurent comme il faut selon la doctrine. N'aimant pas le pompe funéraire, ils changent le système des funérailles monarchiques dans leur pays et dans l'Europe. Tout en gardant le sujet de religion, nous entrons maintenant dans la deuxième partie. Louis XIII a fait quelque chose de très spécial. En remerciement de la délivrance de Corbie lors de l'invasion espagnole en 1636 et de la défense de Saint-Jean-de-Lonne, Louis XIII met soi-même, soit couronne, ses sujets, son royaume, sous la protection divine et surtout de Marie, mère du Christ, le 15 août, fête de l'Assomption, en 1639. Le texte du vœu fait allusion aux crises internes du début de son règne, à la guerre culminant dans la prise de La Rochelle, et justifie ses alliances extérieures protestantes. La fête, associée à la fête Saint-Louis, patron protecteur de la France, joua, selon Jean-Petit Christian Fils, je cite, un rôle de grande importance de l'union des Français autour du trône, renforçant la monarchie du droit divin et le culte de la personne royale. 9 ans plus tard, en 1645, Ferdinand III lui aussi fait un tel vœu, à l'instar de son oncle, le duc de Bavière, en remerciement de la délivrance de Brno en Moravie, forteresse décisive et, comme Corbie pour Paris, dernière forteresse devant Vienne. Les Suédois avaient assiégé la ville, ils n'attendaient que leurs alliés calvinistes de la Transylvanie pour procéder à l'assaut. À peine arrivés devant la ville, ses troupes firent subitement marche en arrière et se retirèrent de la coalition anti-Habsbourg. L'empereur avait fait de telles concessions au prince de Transylvanie que ordre fut donné par son suzerain, le sultan, de ne plus aider les Suédois. La concession accordée par Ferdinand III, secrète pour le premier temps, était la liberté de confession en Hongrie, même pour les paysans, voie libre pour le calvinisme. Les deux vœux sont très paradoxes. Nous sommes ici au centre de la politique confessionnelle. Louis XIII et Ferdinand III étaient, je cite encore Jean-Petit Christian Fils, animés d'une foi ardente, humble de cœur devant Dieu, pénétrés de leur inédité. Pourtant, ils ne laissaient pas s'instrumentaliser par des partis radicaux. Ils choisissaient des confesseurs qui acceptaient la priorité de l'intérêt de l'État et renvoyaient ceux qui s'y opposèrent. S'il fallait accepter des conditions inacceptables du point de vue religieux, ils en ressortaient tous les deux au moyen d'un organe de théologiens sagement choisi et qui donnait feu vert. La guerre de 30 ans avait cessé d'être une guerre de religion au plus tard en 1635 avec la paix de Prague, paix de la vaste majorité des États protestants. Pour Louis XIII, la guerre de 30 ans n'était jamais une guerre de religion. La part de Westphalie, enfin, garantissait la diversité confessionnelle de l'Empire, mais garantissait aux Habsbourg le droit de prescrire la confession dans leur territoire, en tant que prince territorial. Tout en imposant la foi catholique en Basse-Autriche, après la guerre de 30 ans, Ferdinand III respectait la diversité confessionnelle de l'Empire, comme Louis XIII en France, et il régnait sur l'État qui partageait avec les provinces unies la première place de tolérance religieuse en Europe, l'Hongrie. Ni Louis XIII ni Ferdinand III n'attaquaient le protestantisme en tant que tel. Mais tous les deux faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour découpler l'opposition politique, soit nobiliaire, soit bourgeoise de la confession. Ce qui distingue profondément la vie et le règne de ces deux monarques, c'est le système de parenté, le système de cour. Il est vrai que Ferdinand III vivait des moments difficiles avec son frère mineur, puisque celui-ci était le premier pour lequel l'héritage n'était plus partagé, mais qui ne recevait qu'un apanage. Lui, il voulait être prince et au moins militaire, ce qui fut accordé. Léopold Guillaume, tel son nom, était à plusieurs reprises commandeur de l'armée impériale, gouverneur des Pays-Bas, plus tard conseiller respecté. Une chose impossible en France, où Louis XIII fallait bien se battre avec les armées instiguées par son frère Gaston et par ses demi-frères Vendôme et Soissons. Ferdinand III n'avait pas le prince de sang à ménager, ni une mère ex-régente comme Marie de Médicis, ni de parlement, ni comme Louis XIII un conseil formalisé. Le conseil secret de Ferdinand III n'était jamais formalisé. Pour chaque session, chaque conseiller privé était invité si tel était le bon plaisir de l'empereur. Pourtant, tous les deux monarques avaient des hommes de confiance, favoris, premiers ministres. Louis XIII confondait de temps en temps sympathie, voire inclinaison personnelle, avec le rôle politique du favori de premier ministre informel. Donc, ce sont Luynes, 5 mars. Avec Ferdinand III, c'était plus facile. Il y avait un homologue de Richelieu, c'était Trautmannsdorff. Mais puisque lui, il n'avait pas le type de grand pensionnaire ni de prince de sang, de puissant gouverneur de province chez les Habsbourg, Trautmannsdorff n'avait pas besoin d'une garde, ni besoin de représentation éclatante, ni d'un cabinet noir, ni de légende par ailleurs. Pourtant, Richelieu et Trautmannsdorff connaissaient des crises de confiance, de moments difficiles, surtout dans les revers de la guerre. Pour finir, la grande différence, c'était que Ferdinand III et Trautmannsdorff s'étaient bien contents de se débrouiller et de sauver la couronne de l'Empire, même si elle venait sans grandes ressources, et de sauver l'intégrité de leur territoire mixte c'est important, des différentes couronnes et des duchés en possession des Habsbourg. Louis XIII et Richelieu pouvaient aspirer autre chose, un État centralisé, chose que craignaient beaucoup les Habsbourg. Un roi puissant, ce que ne pouvait plus être l'empereur, sauf qu'en Bohême et dans les territoires autrichiennes. En fait, enfin, une gloire digne d'attention d'un Plutarque, même si celle-là était guère autrement agréable, même supportable pour Louis XIII que dans un château de chasse comme, par exemple, Versailles. Merci beaucoup.